Before the next dialogue, here's some more new language. Quand vous entendez les mots et les phrases en français la deuxième fois, répétez-les. Qui? Who or which? Qui? Se trouve. Is situated. Se trouve. Une ville. A town. Une ville. Une ville historique. A historic town. Une ville historique. Le sud. The south. Le sud. Une cathédrale. A cathedral. Une cathédrale.